vous avez demandé maximum, ne quittez pas. Bah avant, j'écoutais Sky, Fun, Energy. On peut dire qu'ils en font un maximum. Et maintenant, j'écoute maximum. Chaque fois que j'écoute, rien à dire. Mais de toute façon, quand on branche le tuner sur le son qu'il y a sur la musique, on est tout de suite au courant que c'est maximum. Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. Vous avez demandé maximum. Ne quittez pas. Bah, je trouve ça excellent. Longue vie à maximum. J'écoutais pas mal Énergie, mais les tubes sont un petit peu gonflants. Un maximum de cadeaux. Techniquement, c'est très bien fait. Sur maximum, on peut le dire, il y a un maximum de musique. Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. Vous avez demandé maximum. Ne quittez pas. Je trouve ça bien. En plus, c'est pas court, comme certaines radios. C'est moi qui vous remercie d'être aussi bien. C'est génial. C'est vraiment génial. Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. Vous avez demandé maximum. Ne quittez pas. Il y a très très très peu de chansons que j'aime pas. Les journalistes sont pas mal, ouais. La voix est bien, moi j'aime bien. Ouais. Et voilà. Les animateurs sont bien aussi. Oh, j'aime bien la musique et puis les jeux aussi. Je gagne pas, mais... Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. Vous avez demandé maximum. Ne quittez pas. Avant, je n'écoutais pas de radio. Maximum, c'est le maximum. Et maintenant, je n'écoute que maximum. Ce que j'aime le plus sur maximum, c'est qu'on s'en prend plein la tête tout le temps, on s'éclate comme des bêtes. Ça dégomme. Ce que j'aime le plus sur maximum, c'est la musique. Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. Vous avez demandé maximum. Ne quittez pas. Bah, je trouve que c'est très bien. Vous avez une sacrée page d'enfer, j'aime beaucoup. Bah, je suis franche et directe, je trouve que c'est vraiment une très très bonne radio. C'est dans le vent, c'est vraiment ce qu'on... Enfin, moi, c'est personnellement ce que j'aime. Bah, bon, j'écoutais comme tout le monde, Fun, Sky, Energy, toute la soupe habituelle. Ah bah, maximum, c'est super. Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. Vous avez demandé maximum. Ne quittez pas. J'écoute toute la journée. Bah, je trouve ça génial. Energy, Skyrock. Puis bon, il y en a un bol parce que c'est tout le temps pareil. Les autres, ça existe même plus en mémoire sur mon poste. J'aime tout sur Maximum. Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. Vous avez demandé maximum. Ne quittez pas. Ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir toujours le même rythme de la musique. Avant j'écoutais Skyrock et Energy. Ça me fait plaisir. Non, regarde, c'est une bonne idée. Energy, ça devient de plus en plus publicitaire. La musique sur Maximum, c'est vraiment génial. Ouais, c'est sympa. C'est bien, c'est génial. Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. Vous avez demandé maximum. Ne quittez pas. J'aime bien les jeux sur Maximum. Énergie toute la journée, on en a marre. Moi, ce que j'aime bien sur Maximum, c'est la musique. C'est génial. Avant, on était sur Énergie. Ouais, mais il y avait trop de pubs, il y avait trop de parlotte. Tout est très bien. Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. Vous avez demandé Maximum. Ne quittez pas. Avant, je n'écoutais pas de radio. Maximum, c'est le Maximum. Et maintenant, je n'écoute que Maximum. Ce que j'aime le plus sur Maximum, c'est qu'on s'en prend plein la tête tout le temps, on s'éclate comme des bêtes. Ça dégomme. Moi j'aime bien. Ce que j'aime le plus sur Maximum, c'est la musique. Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. Vous avez demandé Maximum. Ne quittez pas. Bah, je trouve que c'est très bien. Vous avez une sacrée page d'enfer, j'aime beaucoup. Bah, je suis franche et directe, je trouve que c'est vraiment une très très bonne radio. C'est dans le vent, c'est vraiment ce qu'on... Enfin, moi, c'est personnellement ce que j'aime. Bah bon, j'écoutais comme tout le monde, Fun, Sky, Energy, toute la soupe habituelle. Ah bah Maximum, c'est super. Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. Vous avez demandé Maximum. Ne quittez pas. J'écoute toute la journée. Bah, je trouve ça génial. Energy, Skyrock. Puis bon, il y en a un bol parce que c'est tout le temps pareil. Les autres, ça existe même plus en mémoire sur mon poste. J'aime tout sur Maximum. Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. Vous avez demandé maximum. Ne quittez pas. Ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir toujours le même rythme de la musique. Avant j'écoutais Skyrock et Energy. Ça me fait plaisir. Non, regarde, c'est une bonne idée. La musique sur Maximum, c'est vraiment génial. Ouais, c'est sympa. C'est bien, c'est génial. Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. Vous avez demandé maximum. Ne quittez pas. Avant, on était sur Énergie. J'aime bien les jeux sur Maximum. C'est sympa, moi, je trouve. Faut continuer comme ça. Moi, ce que j'aime bien sur Maximum, c'est la musique. C'est de la bonne musique. c'est génial. Ah, faut rien changer. Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. Vous avez demandé maximum. Ne quittez pas. Alors moi, les disques que j'aime bien sur Maximum, c'est ceux qu'on entend nulle part ailleurs. C'est le dernier Black Box, le dernier Madonna. Ouais, avec Maximum, j'ai découvert de nouveaux trucs, de nouveaux morceaux, des trucs sympas. Et c'est super rythmé, quoi. Bah oui, j'ai découvert le 49 Hertz que j'ai entendu la première fois sur Maximum. Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. Vous avez demandé Maximum. Ne quittez pas. Ben, je connaissais les remix. Je connaissais les surmix, les super remix surremixés, mais en tout cas sur Maximum, là je connais les pré-remix, ceux que j'écoute chez moi. Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. Vous avez demandé Maximum, ne quittez pas. Les nouveautés sur Maximum, il y en a tout le temps, ça qui est bien. Non, Maximum c'est parfait. Vous êtes vraiment en avance sur les autres radios. Maximum, continuez comme ça. Les autres radios sont toutes plus ou moins en retard sur Maximum. Alors moi, les disques que j'aime bien sur Maximum, c'est ceux qu'on entend nulle part ailleurs. Soul to Soul, City Niner et plein d'autres trucs, quoi. Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. Vous avez demandé Maximum. Ne quittez pas. Les meilleurs remix sont faits sur Maximum. Disons que la musique de Maximum, c'est nouveau. La nouvelle musique. C'est la nouvelle musique. De nouveaux artistes. La nouvelle musique, on ne la trouve que sur Maximum, en fin de compte. Moi, ce que j'aime sur Maximum, c'est que la musique est vraiment nouvelle. La nouveauté sur Maximum, il n'y a que ça. C'est ça qu'on aime. Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. Vous avez demandé Maximum. Ne quittez pas. Maximum. C'est très entraînant. Il y a du rythme. C'est tout comme il faut, quoi. C'est ça qui est bien. Ça donne la pêche. C'est super rythmé, quoi. C'est jeune. C'est génial. C'est dynamique. Maximum. Ouais, je suis vachement contente. Qu'est-ce que je gagne? Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. La Maximania. Elle frappe partout en France. C'est un copain qui me l'a fait découvrir. Depuis, je l'ai fait découvrir à tout le monde. Bah, je trouve que c'est sympa. Enfin bon, ça surprend, quoi. Vous avez l'air de bien vous marrer, en fait. La Maximania. Elle frappe partout en France. Oh bah, ça y a rien à dire. J'aime, j'adore avec un grand A, en fait. Voilà. Et puis, j'aime beaucoup. Ils disent pas mal de conneries. La Maximania. Elle frappe partout en France. Il y a un meilleur son, c'est vrai, je trouve. Comparé aux autres, je sais pas si c'est mon antenne qui est déréglée, mais enfin bon. C'est jeune et puis c'est futur, quoi. Il passe de la bonne musique, quoi. La Maximania. Elle frappe partout en France. L'ambiance, quoi, c'est plus... Déjà, les DJ sont archi cool, ils font que délirer, alors... Ouais, c'est plus une musique genre, bon, vous êtes triste, écoutez Maximum, quoi. La Maximania, elle frappe partout en France. La Maximania, elle frappe partout en France. Les autres radios commencent à décevoir tout le monde, et puis bon, bah, tout le monde se rabat sur Maximum, parce que bon, c'est eux qui sortent toutes les nouveautés, bon, on les entend, le premier truc, on les entend sur Maximum, hein. La Maximania, elle frappe partout en France. Ouais, bon, j'écoute tous les matins. C'est agréable, ça passe tout seul, quoi. On a envie de les écouter. Hein. Toutes mes radios sont branchées sur Maximum depuis octobre. Que j'ai pas changé mes ondes, quoi. Comme vous dites, là, je suis restée sur Maximum et... Bon, j'ai pas jeté le bouton, mais enfin, c'est tout, comme. La Maximania, elle frappe partout en France. C'est comme j'étais en Angleterre avant. Donc j'ai écouté pas mal, et puis bon, j'ai essayé plusieurs radios, et bon, j'ai trouvé que Maximum, c'était pour l'instant ce qui me convenait le mieux. La Maximania, elle frappe partout en France. Ah non, franchement, je trouve que Maximum, c'est franchement une super bonne radio. Puis bon, c'est en plus, c'est le samedi soir, je crois, à partir de 10h jusqu'à, je crois, 2h ou 1h du matin, où il passe pas mal de remix. La Maximania. Elle frappe partout en France. En tout cas, j'ai remarqué que grâce à Maximum, certaines radios sont obligées de passer des choses qu'on n'aurait pas pu écouter ailleurs. La Maximania, elle frappe partout en France. Non, je trouve que c'est bien. Ils passent de la musique qui me plaît bien, qui est tout à fait mon style. Bon, ça, c'est vrai que c'est répétitif, c'est un peu toujours sur le même beat. Mais bon, c'est ça qui me plaît, quoi. La Maximania, Elle frappe partout en France. Moi, je reste sur Maxime. J'ai beaucoup d'amis qui me disent, oui, Ludivine, écoute, change de radio, dis-moi, essaye d'autres radios, radio, tout ça. Je dis, bah oui, mais j'arrive pas. La Maximania. Elle frappe partout en France. On passe notre temps à écouter tout ce qui est house music. Et comme sur Maximum, il y en a beaucoup par rapport aux autres radios. Et comme il n'y a pas trop de pubs, donc c'est, pour l'instant, franchement, c'est ce qu'ils ont fait de mieux. La Maximania. Elle frappe partout en France. C'est un jour, pendant que j'étais au cinéma, ils ont passé ça en publicité. Et puis voilà, donc j'ai connu. La Maximania. Elle frappe partout en France. J'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de défauts sur Maximum. En général, ils savent quand même justement, ils savent bien doser, ils savent ce qu'il faut mettre. Et c'est pour ça que franchement, je trouve que c'est une très bonne radio. La Maximania, elle frappe partout en France. On aime bien connaître les tubes avant tout le monde, quoi. Puis surtout pour les remixes, parce que c'est plus vivant, ça bouge plus, quoi. C'est ça l'avantage, quoi. La Maximania. Elle frappe partout en France. Je sais pas qui est-ce qui a eu l'idée de la créer, mais en tout cas, je lui tire mon chapeau par rapport à d'autres radios qui se sont quand même relativement dégradées. La Maximania, elle frappe partout en France. Moi, je veux dire, je suis assistant à NRB, hein. Et puis, je pense que quand on est animateur, ben, on doit avoir une personnalité. La Maximania. Elle frappe partout en France. J'ai essayé plusieurs radios, comme la plupart des jeunes. En plus, bon, ils ont un humour qui est quand même relativement sympa. C'est pas trop vaseux par rapport à d'autres radios. Donc, sur ça, franchement, j'aime beaucoup Maximum. La Maximania. Elle frappe partout en France. Il y a beaucoup de nouveautés. Ouais, des choses qui sont pas possibles à écouter ailleurs. C'est bien, comme ça, il n'y a pas trop de discussions, il n'y a pas de pub. Non, c'est bien. La Maximania, elle frappe partout en France. Eh ben, moi, pour moi, la principale différence, c'est que j'organise des soirées quelquefois, et toutes les bons disques, nouveautés que je passe en soirée, je les trouve sur Maximum et pas ailleurs. La Maximania, elle frappe partout en France. Je crois que certains discos funky passent en avant-première sur Maximum, et 3-4 mois après, on les retrouve au top 50. Mais enfin, ça, c'est deux choses différentes. La Maximania, elle frappe partout en France. Non, le truc qui est intéressant, moi, c'est ça que je vous dis, c'est que comme j'ai MTV, j'ai accès aux musiques qui viennent des États-Unis et tout ça, mais vraiment les musiques de là-bas, quoi. C'est pas les merdes qu'on a sur les autres radios. Et l'accès à ces musiques-là, quoi. La Maximania, elle frappe partout en France. De temps en temps, énergie. Puis de temps en temps, il passe une petite nouveauté que vous avez déjà passée il y a 2-3 mois. Ça me fait rigoler. Non, mais vous savez bien, parce que une nouveauté, par exemple, je vois Technotronic, tout ça, vous l'aviez sorti 3 mois avant les autres. Super. Les autres radios, il y en a encore qui passent des chansons, vous avez sorti il y a à peu près 5 mois. La Maximania, elle frappe partout en France. Puis ce qui est bien, c'est que il y a beaucoup de maxi, de remix, les maxi mix. Et donc là, en plus, c'est des remix inédits par rapport aux autres radios. Vraiment, il n'y a rien, c'est vendu partout en France. Donc là, c'est vraiment inédit, donc on est tous sur nos magnétophones, pour les enregistrer. La Maximania, elle frappe partout en France. Bloquer votre radio et jeter le bouton, je trouve ça assez plaisant comme slogan. La Maximania, elle frappe partout en France. Alors si on a la meilleure musique plus la qualité, Maximum a une large longueur d'avance. La Maximania, elle frappe partout en France. Maximum, c'est très entraînant. Il y a du rythme. C'est tout comme il faut, quoi. C'est ça qui est bien. Ça donne la pêche. C'est super rythmé, quoi. C'est jeune. C'est génial. C'est dynamique. Maximum. Ouais, je suis vachement contente. Qu'est-ce que je gagne? La Maximania, elle frappe partout en France. Bah, je trouve que c'est très bien. Vous avez une sacrée page d'enfer, j'aime beaucoup. Bah, je suis franche et directe, je trouve que c'est vraiment une très très bonne radio. La Maximania, elle frappe partout en France. C'est dans le vent, c'est vraiment ce qu'on... Enfin, moi, c'est personnellement ce que j'aime. Ah bah, Maximum, c'est super. La Maximania, elle frappe partout. partout en France. J'écoute hein, toute la journée, mais je trouve ça génial. Les autres, ça existe même plus en mémoire sur mon poste. J'aime tout sur Maximum. La Maximania, elle frappe partout en France. Ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir toujours le même rythme de la musique. Ah, avant j'écoutais Skyrock et Énergie. Ça me fait plaisir. Non, regarde, c'est une bonne idée. La musique sur Maximum, c'est vraiment génial. Ouais, c'est sympa. C'est bien, c'est génial. La Maximania, elle frappe partout en France. C'est sympa, moi, je trouve. Faut continuer comme ça. Moi, ce que j'aime bien sur Maximum, c'est la musique. C'est de la bonne musique. C'est génial. Ah, faut rien changer. La Maximania, elle frappe partout en France. Je trouve ça bien. Bah, les jeux, puis la musique. Les journalistes sont pas mal, ouais. La voix est bien, moi j'aime bien, ouais. Les animateurs sont bien aussi. La Maximania, elle frappe partout en France. C'est génial. C'est vraiment génial. C'est extraordinaire. C'est moi qui vous remercie d'être aussi bien. Pas les goûts des autres. C'est pas les goûts du top 50, quoi. Skyrock. Et voilà. Oh, j'aime bien la musique et puis les jeux aussi. Je gagne pas, mais... La Maximania, elle frappe partout en France. Avant, je n'écoutais pas de radio. Maximum, bah, c'est le maximum. Et maintenant, je n'écoute que Maximum. La Maximania, elle frappe partout en France. Ce que j'aime le plus sur Maximum, c'est qu'on s'en prend plein la tête tout le temps, on s'éclate comme des bêtes. Ça dégomme. Moi, j'aime bien. Ce que j'aime le plus sur Maximum, c'est la musique. La Maximania, elle frappe partout en France. Je trouve ça bien. En plus, c'est pas court. Comme certaines radios. C'est moi qui vous remercie d'être aussi bien. C'est génial. C'est vraiment génial. La Maximania, elle frappe partout en France. Bah, je trouve ça excellent. Longue vie à Maximum. Un maximum de cadeaux. Techniquement, c'est très bien fait. Sur Maximum, on peut le dire, il y a un maximum de musique.